Formidable, je vous ai écouté. Vous mangez pas ? Non, non, j'étais à mon repas. C'est ma fille qui avait fait une pizza. Oui, j'ai mangé une pizza. C'était délicieux. Avec un petit Côte du Rhône, c'était pas mal aussi. Mais en fait, au début c'était calme, et puis d'un coup on était en train de manger, et puis d'un coup, je sais pas, il y a quelqu'un qui a dû monter le son. On a entendu un truc, ma nana elle me dit c'est quoi ce bordel, c'est quoi ce bruit là. On croyait que c'était dehors, mais non, c'est l'ordinateur. Trop beau aussi aujourd'hui. Mais bon, je peux encore voter si vous voulez. Ah bah même pas, c'est pas la peine. Putain, qu'est-ce qui se passe? Ça va envoyer du lourd là.